OF19, activité 47. Répétez en détachant les syllabes comme sur l'enregistrement sonore. 1. Il est midi. 2. C'est à 3 heures. 3. J'arrive tout de suite. 4. C'est annulé. 5. C'est ça que je veux. 6. On me l'a dit. 7. Ça s'est déjà vu. 8. Le café est prêt. 9. J'ai encore oublié. 10. Le rapport est là. 11. Je peux vous interrompre? 12. Est-ce que c'est possible? 13. Je peux m'en occuper. 14. Je regrette, je comprends pas. 15. Savez-vous où ça se trouve? 16. C'est l'heure de la pause café. 17. La réunion est finie. 18. Est-ce que j'ai eu des messages?